Vous voulez du flow, ok je suis là. Nos deux S, aka Marchilla, c'est un truc là. Une leçon sur le son, quand je rime garçon, c'est une hardcore session. Agression verbale, je rappe pour faire mal. Me voir sur canal, sans ouvrir l'anal. C'est peut-être banal, mais mieux qu'une grosse banane. Que t'as un trou de balle quand tu rappes. Je suis pas comme lui, alors je reste dans mon trou. Fonce derrière avec les roches, je chante sur l'instru. Je t'instruis en rappant, tu te marches sur mon zappant. Je te bite sur le beat, c'est un événement frappant. Les esprits ont messie, prêche son récit. Sans souci, mon voici, mec apprécie. Assis-toi, je t'emmène dans un univers. Tu crois que le rap est mort, champ de galaxie. Dangereux quand y'a un mic dans nos mains. Dangereux trop d'MC sur le chemin. Dangereux tous veulent changer leur destin. Dangereux trop de balance, joue les malins. Dangereux tout GPU sont sur le frein. Dangereux car on pilote sans les freins. Dangereux dans le rap, trop de tapins. Dangereux ça se tire dans les reins. Moi c'est Flex, tu connais. Confonds pas avec Busta. J'suis pas le genre de mec qui va te dire vas-y on se tape. Constate que j'ai jamais signé de contrat. J'en signerai peut-être jamais. Mais vas-y allez on se barre. Nous c'est la feuille et le crayon. Des textes à la Gainsbar. Le résultat un son qui cogne avec une grosse barre. L'aspi vient en grillant des barres. Un business underground, compare-moi pas aux stars. On pourrait finir au star. On n'est pas là pour jouer les gangsters. Ici c'est SENS All Star. Une plume dans un holster. On est trop austère. Tu vends ton shit au kilo. On vend nos rimes austères. Ma gueule sur un poster. Sûrement pas Aster. Contre les imposteurs qui rappent pompé sur le roster. Tu joues les Golden Boy. T'as pas d'autre but. Si tu rappes pour la thune, faudra donner ton huc. Dangereux quand y'a un mic dans nos mains. Dangereux trop d'MC sur le chemin. Dangereux tous veulent changer leur destin. Dangereux trop de balance, joue les malins. Dangereux tout GPU sont sur le frein. Dangereux car on pilote sur les freins. Dangereux dans le rap, trop de tapins. Dangereux ça se tire dans les reins. J'en suis arrivé à renier mon corps, j'ai pas teuré. Une fois du monde proche, renie mes torts. J'parle de toi comme un être faible, on me répond. Tout le monde dort, mon mentor dort depuis 87. J'suis plus à l'aise sur ce mode, j'en ai connu 6. Retenu une, celle que j'développe, oh j'avais. Faut dire que j'passe un sacré bout de temps à viser la lune sous un ciel de béton armé. Mais t'es hors, j'ai percuté ce monde, percuté ce mode. J'ai percuté cet homme, bousillé mon état. Naturellement, mon secteur reconnu principalement pour sa culture d'air hautement corrosif. Bouche, parle de pression. Diplomatique, mais n'oublie pas mes initiales sont OB. Quoi 89, ils sont au mic. J'te parle de phénomène hardcore. Dangereux quand y'a un mic dans nos mains. Dangereux trop d'MC sur le chemin. Dangereux tous veulent changer leur destin. Dangereux trop de balance, joue les malins. Dangereux tout GPU sont sur le frein. Dangereux car on pilote sur les freins. Dangereux dans le rap, trop de tapins. Dangereux ça se tire dans les